Le tigre et le singe. Le tigre dort. Le singe attache une corde de la queue du tigre. Le tigre se réveille. Il voit le ruban. Il est fâché. Singe, où es-tu? Le singe court après le... Ha ha, je suis ici. Le singe dort. Le tigre attrape la queue du singe. Il l'attache à l'arbre. Le singe se réveille. Il voit sa queue. Il est fâché. Tigre, viens ici, crie le singe. Non, dit le tigre, je vais dormir. Tigre, fais attention. Voici un autre singe.